A. Je ne veux pas le voir. B. Ouvre la fenêtre, il fait trop chaud. C. Marche plus rapidement. D. Que désirez-vous? E. Je reviens de Hongrie. F. Je ne crois pas qu'il ait raison. G. Je te téléphone demain. H. Parle-moi de toi. I. Ce bateau s'appelle le Hollandais volant. J. On se voit samedi.